de la colline, perdu parmi les lauriers, se tient la silhouette fine de la maison de papier. La porcelaine si fine, des petites tasses de thé reflètent tes yeux d'amande au reflet mouillé. Des jours entiers à t'aimer, la la la la. La colline sur le sentier escarpé, je vois ta silhouette fine dans la maison de papier. Tous les parfums de la Chine et tous les Japons dorés font de toi la mandarine au pouvoir sacré. Amen.